de chanter. Tu annonces ton départ. Une amère tristesse revient comme si j'étais un parchemin recouvré, vendu aux enchères les après-midi et livré à l'antiquaire à des escrocs de voitures d'occasion. Tu me laisses une douleur sans conversation, sans temps pour que nous guérissions, sans un autre visage, une autre caresse dans chaque jour qui comprend encore. De la veille, je peux être un amant, si brièvement pour ceux qui ont désiré. Pour mon lignage asiatique, pour mon tempérament défiant, pour des exploits sans trésor, dans la tranquillité de mon navire, j'éviterai des falaises apparentées. Et ne doute pas que je te redécouvrirai dans un vent plus propice, dans un autre port protecteur, ou dans une tempête qui me livrera à d'autres âmes.